أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. نحن اليوم في 27 وندخل في 28 من رمضان، يوم يعني أيام تمر بسرعة. نكون هي 27 de Ramadan, et là c'est la nuit du 28, mashallah, ça passe vite. Ramadan, c'est donc l'observation, c'est le jeudi. Ru'yat al-hilal yawm al-khamis, inshallah. Observation pour le croissant, ça sera jeudi, inshallah, pour savoir si l'Eid c'est vendredi ou samedi. L'Eid imma yawm al-jum'ah ou yawm al-khamis. يوم الجمعة أو يوم السبت. الخميس، يوم الخميس هي المراقبة. إذن كنا تكلمنا عن العقيدة الإسلامية وتفسير آيات قرآنية وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله خالق المكان والزمان ولا يشبه شيء من خلقه سبحانه وتعالى. ومن هذه الأحاديث حديث يسمى حديث الجارية، حديث الجارية حديث متشابهة. ما معنى هذا الحديث؟ ورد حديث الجارية بعدة روايات، منها أن النبي يقول الجارية: من ربك؟ فتقول: الله. من أنا؟ فتقول: رسول الله. هناك رواية عند مسلم بعض العلماء أنكروها وبعضهم أثبتوها بالتأويل والتفصيل، قوله: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال العلماء: أين معناها عن الدرجة، عن الرتبة، ليس عن المكان. عن المكانة، ليس عن المكان، معناها ما اعتقاده من التعظيم في الله. قوله: في السماء، أي رفيع القدر جدا. ولا يجوز اعتقاد أن النبي يسأل عن المكان وهي تقر أن الله في مكان، لأن هذا عقيدة الكفار وعقيدة مخالفة للعقل السليم. هذا حديث الجارية يذكره بعض الناس، وروي بعدة روايات: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. أتشهدين أني رسول الله؟ هذه الرواية، وهذه الأقوى الموافقة للأصول، لأنها تحكم على الإيمان على شخص أنه يقول الشهادتين. والرواية عند مسلم وشرحها النووي كما سنرى هي قول: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال معناها: ما اعتقادك من التعظيم في حق الله سبحانه وتعالى، وليس معناه أن الله يسكن السماء. وكلا، لأن الله هو خالق السماء وكان موجودا قبلها. Donc on a expliqué des hadiths et des ayats, et parmi ces hadiths-là, il y a un hadith qui s'appelle hadith al-jariya, hadith de la femme esclave. Il y a plusieurs versions. Il y a une version où le prophète dit: témoignes-tu qu'il n'est de Dieu que Allah? Elle dit: oui. Témoignes-tu que je suis le messager de Allah? Elle dit: oui. C'est la version la plus forte parce que c'est conforme aux règles de la religion que on certifie que quelqu'un est croyant quand il dit les deux témoignages. Et il y a une version Il lui dit, quel est ton Seigneur? Elle dit, oui, Allah. Qui suis-je? Le messager d'Allah. Il y a une version rapportée par Muslim, expliquée par Nawawi. Certains l'ont réfuté, cette version, et d'autres l'ont confirmé, ils l'ont interprété comme Nawawi, où il est cité Aïna, au sujet de Dieu. Et là, Nawawi, d'autres savants, ils disent, ça ne veut pas dire où est Dieu, mais ça veut dire quelle est ta croyance au sujet de Dieu. En arabe, c'est utilisé le mot Aïna pour interroger sur le degré et pas sur l'endroit. Donc, Aïna, quand il lui a dit dans ce hadith-là, ça veut dire quelle est ta croyance au sujet de Dieu. Quand tu as dit Fissama, chez les Arabes, Fissama, il est utilisé pour dire l'élévation en degré. Ça veut dire Dieu mérite plus de vénération. Ça ne veut pas dire qu'il est localisé. Fissama, ma'naha, al-rif'a, wa-daraja. Qui m'a fait bled. مغرب العربي يقولوا خبز وماء ورزق في السماء مش معناها رزق في السماء حقيقة إنما معناها الرفعة même dans les proverbes dans le dialecte au Maghreb par exemple ils disent في السماء c'est dans le sens que l'élévation donc dans le degré ou le mérite pas dans l'élévation spatiale. Et donc c'est ce hadith dans le sens de que Dieu mérite plus de vénération que tout autre. Et cela ne veut pas dire que le prophète l'aurait interrogé sur l'endroit et qu'il aurait confirmé cela. Non, pas du tout. Donc c'est cela l'explication de Nawawi, des grands savants de l'islam, de toutes les manières, et c'est l'explication conforme à la raison. Et à la croyance musulmane. Comme on va voir donc dans l'explication de Nawawi, par exemple. Et donc, Nawawi dhakara fi sharh sahih Muslim, le huwa sharh sahih Muslim, le mujallad al-thalith, hadha sharh an hadith al-jariya. إذن سنرى هذا الكلام كما ذكر الإمام النووي. Donc l'imam Nawawi justement il a parlé de cela dans son sharh de Sahih Muslim. Expliquer cette explication qu'on a dit que ça ne veut pas dire l'espace au sujet de Dieu, mais ça veut dire quelle est ta croyance au sujet de Dieu. إذن قال الإمام النووي في شرح حديث الجارية في كتابه شرح صحيح مسلم الجزء الخامس هو على حسب طبعا كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته يحكي على هذا الحديث قال هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيها مذهبان تقدم ذكرهما مرات في كتاب الإيمان أحدهما الإيمان به من غير خوض في معناه مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وتنزيهه عن صمات المخلوقات مذهبان إما من غير تفصيل مهم تعتقد الله ليس كمثله شيء لا يوصف بالجهة ولا بالمكان ولا بالتحيز أحدهما كما قلنا الإيمان به من غير خوض في معناه مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وتنزيهه عن صمات المخلوقات هذا كلام النووي والثاني تأويله بما يليق به فمن قال بهذا قال إذن هناك مذهب تأويل مذهب من غير تأويل ولكن اجتمعوا على أن الله ليس كمثل شيء ولا يوصف الجلوس ولا بالمكان ولا بالجهة ولا بالتغيير بعضهم يفسرون المعنى وبعضهم لا يفسرون لكن يجتمعون ويتفقون علماء أهل السنة أن الله لا يشبه شيء لا يوصف بالجهة ولا بالمكان ولا بالشكل فمن قال بذلك يعني بالمذهب التأويل قال كان المراد امتحانها هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء كما إذا صلى المصلي استقبل الكعبة وليس ذلك لأنه منحصر في السماء كما أنه ليس منحصرا في جهة الكعبة، بل ذلك لأن السماء قبلة الداعين كما أن الكعبة قبلة المصلين. المصلي يستقبل الكعبة، ليس معناها الله يسكنها، إنما هذه يعني جهة الصلاة. أو هي من عبادة الأوثان، العابدين للأوثان التي بين أيديهم، فلما قال في السماء علم أنها موحدة وليست عابدة للأوثان. قال القاضي عياض: لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله في السماء كقوله تعالى آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ونحوه ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم. يعني في الأخير يذكر كلام القاضي عياض، يعني القاضي عياض هو أقدم من النووي، يعني مع أنه النووي هو شافعي بلاد الشام، والقاضي عياض في بلاد المغرب، هو مدفون في مراكش الإمام القاضي عياض، يستدل به النووي لأنه كلامه صحيح موافق لأقوال العلماء للعقل. ماذا قال القاضي عياض؟ قال: لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيهم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله في السماء متأولة لا تؤخذ على ظاهرها. مثال: أأمنتم من في السماء؟ من له ملكوت السماء؟ أو معناها جبريل، قالوا جبريل، من في السماء هو جبريل. لا لا لا، كل العلماء متفقون كما ذكر القاضي عياض، ذكر النووي عن القاضي عياض، لا يأخذون بظاهر قول في السماء في حق الله، إنما معناه من له الألوهية في السماء هو إله السماء، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، مثال. أو جبريل، مثال من في السماء أي جبريل، قالوا أنه يرسله الله بالعذاب. نقلوا لهم إمام النووي connu, c'est un chef, il est Nawawi. Donc il cite dans son livre très connu, Commentaire de Sahih Muslim, cinquième volume. Donc selon l'édition, il y a ces troisième volume dans certaines éditions, dans certains d'autres cinquième. Dans, en fait, c'est dans le chapitre de la prière, il cite ça. Alors il cite ce hadith-là, cette version-là, où il y a le mot Aïna. Il dit de ce hadith-là, dans ce hadith, il y a deux madhab, deux voies des savants qu'on a cité. Il dit que lui, il parle, qu'il a cité plusieurs fois dans le chapitre de la croyance. Il y a une manière de faire des savants, c'est de ne pas rentrer dans les détails, mais de dire Dieu ne ressemble pas à ses créatures, il est exempt de la forme, de la quantité, de les attributs des créatures, il n'est pas attribué de l'espace ni du temps, il est sans endroit et sans comment. C'est-à-dire de l'exempter des attributs des créatures. De croire en ces hadiths ou ces ayats sont détaillés. Ou de détailler. Il a dit que c'est la voie principale des savants. Sunnite, c'est deux voies en réalité. Ou interpréter en détail ou ne pas interpréter. Mais dans tous les cas, ils sont d'accord, les deux voies, que Dieu ne ressemble pas à ses créatures, que ce qui est voulu dans ce hadith-là ou ce verset, c'est un sens digne de Dieu, donc de l'exempter de la forme, de la quantité, de la réalisation. Et il y a la voix de ceux qui donc interprètent en détail selon le contexte, selon les règles de la langue arabe, etc. Alors il cite, il a dit, ceux qui ont dit cela, alors ils ont dit, ce hadith-là, ça veut dire, quand le prophète lui a dit « Aïn Allah », ça ne veut pas dire « dans le sens où est Dieu, mais dans le sens est-ce que elle est de celles qui quand il adore il invoque Dieu et se dirige vers le ciel. C'est pas de ceux qui adorent les statues qui sont devant eux. Tout comme il a dit les musulmans adorent Dieu, demandent à Dieu en se dirigeant vers le ciel, tout comme quand ils prient, ils se dirigent vers la Kaaba. Il a dit ça ne veut pas dire que Dieu habite la Kaaba et ça ne veut pas dire que Dieu habite le ciel. Donc, il a dit parce que le ciel, il a dit qibla tout da'in. C'est la qibla pour ceux qui font les invocations. Et la Kaaba, c'est qibla tout musalli. C'est la Qibla pour se diriger, pour la prière. Il ne veut pas dire que Dieu habite ni la Kaaba ni le ciel. Et il cite après Qadi Iyad, le grand savant qui était qui est enterré à Marrakech. Qadi Iyad, il était Maliki. Maintenant, il était Shafi'i. Ça veut dire que Shafi'i, Maliki, Hanafi, les quatre écoles, tous ils ont la même croyance. Et la preuve, maintenant, il cite comme preuve le Qadi Iyad de Marrakech. Alors, Nawawi, il était en Syrie. Nawa, c'est un village, en fait. Nawawi, c'est un village. Par rapport à son village. Alors, il dit, il cite de le Qadi Iyad. Qadi Iyad était plus ancien, en fait. Il dit que le Qadi Iyad a dit La khilaf bayna al muslimin. Il n'y a pas de divergence entre les musulmans. Qatibatan, en totalité. Faqihim, muhaddithim, mutakallimim. Que ce soit des gens spécialistes du fiqh, spécialistes du hadith, spécialistes de la croyance, spécialistes de débat, nadharihim, muqallidin, ou de simples musulmans qui ont appris. Il a dit, ils sont tous d'accord, unanimes, que le sens apparent des hadiths ou des ayahs, ou les cités Allah fi sama, ce n'est pas pris selon le sens apparent. Comme « Amin ton man fi sama » et ce qui est du même genre, elles sont interprétées selon tous les savants. Elles sont interprétées selon tous les savants. On ne prend pas le sens apparent. Comme « Amin ton man fi sama » ils ont dit « Jibril » ou « Fi sama » ou « Celui de Dieu, celui qui a la souveraineté dans le ciel ». وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي من له الألوهية في الأرض ولا في السماء celui qui a la divinité dans les cieux dans la terre. Donc vous voyez comment il explique Nawawi, ça c'est où dans le livre Sharh Sahih Muslim, commentaire Sahih Muslim de qui, de l'imam Nawawi. Nawawi c'est une grande référence dans le monde musulman. Il cite qui? Qadi Iyad. Qadi Iyad c'est une grande référence aussi, surtout au Maghreb. Qadi Iyad est très connu dans le Maghreb, même les gens qui ne prient pas, ils connaissent Qadi Iyad. Surtout avec son livre Shifa. Kitab Shifa. Donc c'est ça la voix des savants pour ce hadith-là, le hadith de hadith al-Jariya, le hadith de la femme esclave. Donc aucun savant ne dit que ça veut dire où est Dieu qui serait dans le ciel, et ça c'est pas digne de Dieu, bien sûr. Attribuer cela à Dieu, c'est du shirk. Nisbat al-makan wal-jiha ila Allah subhanahu wa ta'ala, hadha shirk billah wa khuruj min al-islam. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد الطاهر الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين